Chapitre 25e. Le lundi matin, un clair rayon de soleil réveilla René des Armoises. Il s'étira, se leva, et servit lentement, sans entrain, en songeant qu'il avait promis d'aller à Vélizy. Il achevait sa toilette quand on lui apporta ses lettres. Il en prit une au hasard, d'un air distrait, reconnut tout à coup l'écriture d'Angèle, déchira l'enveloppe et lut ce qui suit. Dimanche soir. Cher aimé, j'ai signé hier un engagement pour l'étranger, et je pars tout à l'heure. Mais je ne veux pas m'en aller sans te dire adieu. Sois bien persuadé que si je disparais volontairement de ta vie, tu seras toujours, toi, l'âme de la mienne. Je te quitte brusquement. Ne crois pas pourtant que j'emporte le moindre sentiment d'amertume ou de rancune. Non, je n'emporte que mon amour profond et le souvenir de ta tendresse. Les bons moments que je te dois, les heureuses journées de Vélizy, je serais ingrate si je les oubliais. J'en garde au fond de moi la mémoire comme un trésor et je l'ai béni. Seulement, vois-tu, j'ai réfléchi à notre dernière conversation. J'ai compris à quel point tu pouvais être malheureuse à cause de moi et cela, je ne le veux à aucun prix. Ce que je veux, mon poète chéri, c'est que tu restes avant tout le grand artiste dont je suis fier. C'est que nul souci prosaïque, nulle préoccupation de la vie matérielle, nulle entrave ne vienne amoindrir ton génie. Il faut que tu aies le temps de rêver, de travailler en toute liberté d'esprit, et de composer encore de ces beaux poèmes que j'admire. Je veux que tu aies de la gloire, du succès, du bonheur. Tu sais, je suis ambitieuse pour toi. Sois sans inquiétude à mon sujet. Je suis jeune, je suis vaillante, et je me tirerai d'affaire. La chance viendra, je l'attends. Qui sait, elle viendra peut-être sous la forme chérie d'un enfant, qui aura tes yeux lumineux et ta tête bouclée, cette tête bien-aimée que je serre en pensée sur mon cœur, en la couvrant de baisers. Je sens mon courage faiblir, et il ne le faut pas. Adieu, j'emporte avec moi les roses de Vélizy, les roses que tu m'as cueillies et qui ont gardé tout leur parfum. Cher mien, laisse-moi encore t'appeler ainsi. Adieu, je t'aime et je pars. Mais là-bas, ta pensée sera toujours devant mes yeux et dans mon âme. En retour, conserve dans un petit coin de ton cœur le souvenir de ta pauvre Angèle. René sentit ses paupières se mouiller et un remords lui serrait la poitrine. D'un bond, il s'élança dehors et une heure après, il courait à travers les bois de Chavy. Quand il atteignit la petite maison de Vélizy, il vit les portes et les fenêtres toutes grandes ouvertes et dans l'intérieur les préparatifs d'un déménagement auquel présidait Madame Sénéchal, tête nue et les manches retroussées sur ses gros bras rouges. À l'aspect de René, elle se redressa, rajusta l'unique épingle à cheveux qui maintenait son maigre chignon et prit son air le plus digne. « Où est Angèle ? » s'écria impétueusement René. « Pourquoi l'avez-vous laissée partir ? Où elle est, je ne vous le dirai pas, » répondit la vieille dame en se croisant les bras. « Quant à votre seconde question, sauf le respect que je vous dois, elle n'a pas le sens commun. Angèle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Il n'a consulté personne. Et mon Dieu, si on allait au fond des choses, et si quelqu'un devait endosser la responsabilité de son départ, ce ne serait pas moi, mais certaines gens que je ne veux pas nommer. » Ainsi, elle est partie pour tout de bon, reprit des Armoises, consternées. Oui, elle est partie. Quand nous le répéterons jusqu'à demain, cela ne raccommodera pas les choses, répliqua Madame Sénéchal en s'essuyant les yeux du revers de sa main. Elle s'est expatriée, la pauvre enfant, et elle a eu raison, puisqu'ici on n'a su ni l'apprécier ni la retenir. On avait peur de son talent. On se disait que si elle perçait, il y aurait une révolution dans l'art. Et l'on ne voulait pas de cette révolution. Laissez faire, vos Parisiens s'en mordant les doigts. Mais il ne sera plus temps, il ne sera plus temps, s'écria-t-elle avec conviction en frappant son bras du plat de sa main. Où est-elle? Je veux le savoir. Oh, oh, vous ne saurez pourtant rien, puisqu'Angèle a jugé à propos de se taire. Il ne fallait pas la laisser partir. Ma fille est une honnête fille, et elle ne pouvait pas profiter plus longtemps d'une hospitalité qui compromettait sa réputation et son avenir. Suffit, et vous me comprenez. Maintenant, ayez la bonté de me dire à qui je devrais remettre les clés quand j'aurai fini d'emballer mes affaires. René alors changea de ton. Il devint humble et se jeta presque aux genoux de la vieille dame en la suppliant de lui révéler la résidence de sa fille. Mais la mère Sénéchal demeura inflexible. Avant de partir, Angèle lui avait fait jurer solennellement de ne divulguer à personne, pas même à Joseph, le nom de la ville où elle se rendait. Elle tint bon, et Desarmoises la quitta sans avoir pu lui rien arracher. Il revint à Paris, courut chez Joseph, espérant que celui-ci serait moins mystérieux, mais à la sincère stupéfaction de son ami, il reconnut que le brave Toussaint n'avait pas été mis dans la confidence, et il rentra chez lui désespéré. René n'était pas homme à renfermer longtemps ses chagrins. Madame Desarmoises, qui depuis quelques jours était aux aguets, devina bien vite qu'il y avait du nouveau, et que la crise provoquée par la Genevraie était en train de se produire. Elle n'eut pas grand-peine à se faire conter les détails du brusque départ d'Angèle. René avait besoin de répandre sa douleur au dehors, et faute d'un confident plus sympathique, ce fut devant sa mère qu'il exhala son dépit et ses regrets. Il éclata en récriminations amères, et sans se douter que ses reproches portassent si juste, il accusa Madame Desarmoises d'avoir été la cause indirecte de ce qui venait d'arriver. Celle-ci, enfin main droite, laissa pendant quelques jours le torrent couler. Loin de discuter avec son fils, elle accueillit ses plaintes d'un air de commisération et feignit de prendre intérêt à son chagrin. Puis un matin, le voyant désœuvré et agité se promener comme une âme en peine dans son cabinet de travail, elle hasarda quelques insinuations. « Mon cher enfant, lui dit-elle, voici un bulletin qu'on a apporté du théâtre. Tu devrais y passer et voir où en sont les répétitions. » René jeta le bulletin sur son bureau et continua sa promenade silencieuse. « Il ne faut pas t'absorber à ce point, reprit-elle. Je comprends ton affliction et je la respecte, bien qu'elle s'adresse à une personne qui ne la mérite pas. » Il s'arrêta et regarda sa mère avec un mouvement d'humeur. « Certainement, poursuivit-elle sans s'émouvoir. Si cette personne a pu partir de la sorte, c'est qu'elle ne t'aimait pas sérieusement. » Elle sortit après lui avoir décoché cette première flèche, menue et fine comme une aiguille, mais qui ne pénétra pas moins sous la chair et y fit son petit travail. René pensif arpenta encore quelque temps son cabinet, puis ramassant tout à coup le bulletin de répétition, il s'en alla au théâtre. Il s'agissait d'une scène qui ne marchait pas, d'une coupure et d'un raccord à exécuter. Il rapporta son manuscrit chez lui, se mit à la besogne, et quand vint le soir, fut tout étonné de sentir déjà moins âpres ses regrets et ses remords. Il s'était identifié de nouveau avec ses héros fictifs. L'expression des caractères, la recherche du mot juste, la facture des vers, l'avaient emporté dans cette région de l'esprit dont l'atmosphère idéale exerce sur les artistes une influence si absorbante et si merveilleuse. À la nuit, sa mère entra dans son cabinet en toilette de soirée. « Je vais chez Monsieur de Boissimon, lui dit-elle. « J'avais promis de t'y emmener, mais je te laisse à ta douleur. Il y aura là beaucoup de monde. L'histoire de tes amours s'est ébruitée. On ne manquerait pas de remarquer tes airs de chevalier de la triste figure. On offrait des gorges chaudes, et il est inutile de prêter à rire aux gens. » Cette supposition seule suffit pour décider René à sortir. Il avait horreur du ridicule. La crainte de passer pour un Werther langoureux et inconsolable surmonta ses répugnances et dépouillant brusquement son veston de travail. « Attends-moi, s'écria-t-il, je t'accompagnerai. » Les mercredis de M. de Boissimon étaient très brillants. La haute position du père de Marthe à la maison de l'empereur attirait chez lui un grand nombre d'artistes, de gens de lettres et de femmes du monde. Madame Desarmoises manœuvra si bien que vers le milieu de la soirée, on prit à René de réciter des fragments de son drame en répétition. Autant par bravade que par amour-propre, il s'exécuta et mit dans son débit un entrain, une verve fiévreuse qui doubla la valeur de ses vers pétillants et colorés. Il fut applaudi, entouré et fêté. Mademoiselle de Boissimon seule affecta une indifférence presque dédaigneuse qui ne pouvait manquer de piquer René. Cette jeune personne possédait l'expérience, le sang-froid et la rouerie d'une coquette de 30 ans. Elle savait que les poètes sont femmes sur beaucoup de points, et qu'il n'est meilleur moyen pour les séduire que de jouer avec eux l'indifférence. Toutefois, en feignant de ne pas prendre garde à René, elle s'arrangeait de façon à passer souvent à sa portée, sereine, souriante, courbant ou redressant avec des inflexions serpentines sa jolie tête, dont les longues boucles effleuraient d'éblouissantes épaules largement décolletées. Le manège réussit. Le poète, surpris de rencontrer une nature rebelle aux séductions de son talent, se sentit éperonné par une secrète curiosité et finit par donner à Marthe une attention qu'il ne lui avait jamais accordée jusque-là.